Activité 35. 1. Bonjour, c'est Maxime. Je suis désolé. Demain, je ne peux pas aller à notre rendez-vous. Excuse-moi, est-ce que tu es disponible jeudi? Appelle-moi. 2. Salut, c'est Caroline. Alors, tu es en vacances à partir de jeudi? Super! Tu vas à Montréal, c'est ça? Bonnes vacances et à très bientôt. 3. C'est Sarah. Alors, tu as un nouveau travail? C'est génial! C'est quoi? Tu travailles où? Raconte-moi! Et encore félicitations! Bisous!